Page 2. Sur quel continent se trouve le Nil ? À l'école. Vocabulaire. Le cours. Les devoirs. La matière. Le professeur. La note. L'élève. Qui ? Très.